France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous, c'est Conquête de l'Ouest ce matin sur la 42e rue de France Musique. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir une œuvre rare d'auteurs de comédies musicales très célèbres parce qu'on leur doit par exemple My Fair Lady. Ça s'intitulait Paint Your Wagon, c'était devenu au cinéma avec Clint Eastwood la Kermesse de l'Ouest et c'était une comédie musicale qui se déroulait en pleine ruée vers l'or. Voilà pour débuter par exemple le bruit que font 400 chercheurs d'or mâles qui apprennent l'arrivée d'une diligence avec de nombreuses femmes à bord. That's it, Jake. Play something. Let's hear something besides the wind blowing through them damn hills. Away out here, they got a name for wind and rain and fire. The rain is Tess, the fire's Joe, and they call the wind Mariah. Stars around and sends the clouds a-flying. Mariah makes the mountains sound like folks were up there dying. Mariah, Mariah, they call the wind Mariah. Before I knew Mariah's name and heard her wail and whining, I had a girl and she had me, and the sun was always shining. But then one day I left my girl, I left her far behind me, and now I'm lost, so golden lost, not even God can find me. Mariah, Mariah, lost and lonely man without a star to guide me. Mariah, blow my love to me. I need my girl beside me. Ambiance western ce matin sur la 42e rue de France Musique. Nathaniel Ackman interprétait The Call the Wind Maria et auparavant toute la troupe de chercheurs d'or dans le grand numéro There's a Coach Coming In. Il y a une diligence qui arrive, extrait du tout premier enregistrement quasiment intégral de Paint Your Wagon qui vient de sortir chez Sony Masterworks parce que jusqu'ici il n'y avait qu'un enregistrement original en 1951 qui était un petit peu tronqué pour tenir sur un vinyle. Et puis il y avait aussi la bande originale du film avec Clint Eastwood, mais certaines chansons du spectacle avaient été modifiées. Ce tout nouvel enregistrement, qu'on va entendre en partie ce matin, reprend la production créée en 2015, le temps de quelques représentations au New York City Center, à New York donc, sous la direction musicale de Rob Berman. Alors c'était la cinquième œuvre commune du jeune dramaturge et parolier de 29 ans Alan J. Lerner, associé avec le compositeur d'origine autrichienne Frédéric Lau, que ce Paint Your Wagon, et leur seule œuvre qui se déroule en Amérique. Leur œuvre précédente, Brigadoon, qui rappelez-vous se déroulait en Écosse, avait rencontré un tel succès qu'on les considère en 1947 comme de sérieux concurrents de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein. Leur œuvre suivante connaîtra un succès inouï, c'est My Fair Lady, mais cette fois, Paint Your Wagon, c'est un drame original écrit pour l'occasion par Alan J. Lerner et pas une adaptation. Ça se déroule, on l'a compris, en 1849, en pleine ruée vers l'or, en Californie. Il y a un mineur, Ben Rumson, qui vient de tomber, voilà, sur une mine d'or et comme autrefois, toute une ville va se construire autour, qui prend forcément le nom de son découvreur. Elle va s'appeler Rumson Town. Voici un extrait du spectacle à son tout début, en 1951, trois chercheurs d'or en pleine action. I'm moving. Where? North. Some Frenchie come through and told me an old bummer hit a pocket. I ain't getting nothing out of this mountain, Pete. I gotta strike it and get home to my wife. Where north you going? I don't know. Find out when I get there. Where am I going? I don't know. Where am I heading? I ain't certain. All that always I am on my way. When will I be there? I don't know. When will I get there? I ain't certain. All that always I am on my way. Got a dream, boy, got a song. Paint your wagon and come along. Where am I going? I don't know. When will I be there? I ain't certain. What will I get? I ain't equipped to serve. Hey, but who gives a damn? We're on our way. Come on, Pete. You have to go, Jake. You have to leave me. I got it, Cherry. I ain't hitting nothing but slate rock around here. But I love you, Jake. Why is there so much money you do not have? This time I'll make it, honey. I got a hunch my luck is gonna change. And when it does, do you know what I'm gonna do? I'm gonna open up the gold-dernest music hall that California ever saw. Velvet and satin, wherever you look, and some of that real Frenchy wine. Then I close up here, bring up the dancers. Oh, we make the miners very happy. Yeah, honey, that's what you do. But you don't make me wait too long. I want to be true to you. Don't worry, honey. Come on, little banjo. Lead me to the rainbow. Where am I going? I don't know. Where am I heading? I ain't certain. All and always I am on my way. When will I be there? I don't know. When will I get there? I ain't certain. All and always I am on my way. Got a dream, boy. Got a song. Hit your wagon and come along. North I want to go, Doctor. North, beyond that redwood country. A Look, I met an old man in Sacramento who swears by the saints that there's a lake of gold up there. You hear me, Doc? A lake with a bottom of solid gold. I'm going where the gold is in the ground. Hey, look at this map. It'll show you exactly how to get there. I'm going to Rumson Creek. So long. Wait a minute. I'm coming. Where am I going? I don't know. Where am I heading? I ain't sitting. All I know is I am on my way. When will I be there? I don't know. When will I get there? I ain't certain. All I know is I am on my way. Got a dream, boy. Got a song. Paint your wagon and come along. I say, Governor, this is Sawmill Camp, ain't it? Yeah, what's left of it. Gold all run out, partner. In a week, there won't be enough dust around here to fill a bug's nose. Now, ain't that the blooming luck? Where are you gentlemen headed for now? Rumson Creek. You want to come along? Oh, I'd love to come, Governor. Well, what's your statistics, partner? Edgar Cocker, London, England. Well, come along, Edgar Cocker, London, England. Where am I going? I don't know. Where am I heading? I am certain. All I know is I am on my way. Vous avez reconnu la voix de Julie Andrews qui reprend un air de cette comédie musicale de Alan J. Lerner et Frédéric Leu, Paint Your Wagon, une chanson intitulée How Can I Wait That Tomorrow Comes, et puis auparavant, l'enregistrement original de cette comédie musicale en 51 avec cette chanson de Chercheur d'or, Je suis sur le point de partir, je suis sur le chemin, I'm on my way. Alors c'était une très bonne année pour Alan J. Lerner en 1947, après le succès de Brigadoon, sa première œuvre, il était parti à Hollywood où il avait quand même signé les scénarii de Un Américain à Paris et de Royal Wedding. Il avait coup sur coup écrit pour les plus grands, Gene Kelly et Fred Astaire. Il venait aussi de s'associer avec le compositeur Kurt Weill pour une comédie musicale audacieuse intitulée Love Life. L'idée de la conquête de l'Ouest, il raconte qu'il l'a eue eh bien justement au moment du succès de Brigadoon en 47. Parce que ce succès lui avait fait forte impression, comme si elle ne résolvait finalement pas tous ses soucis par miracle. Il imagine raconter ce sentiment bien personnel à travers l'aventure des chercheurs d'or du 19e siècle qui ont aussi connu leur lot de désillusions. Il raconte « J'ai tout de suite imaginé la première scène. Je visualisais deux wagons, l'un qui partait avec espoir vers le pays de l'or et l'autre qui rentrait désespéré. Je voulais raconter l'histoire de ces deux wagons et ce qui se passait entre l'aller et le retour. Finalement, explique-t-il, j'ai décidé avec Paint Your Wagon d'écrire la vie et la mort d'une ville fantôme dans un ton sérieux. En fait, Alan J. Lerner n'écrit dans cette œuvre que des chansons de solitaire, comme celle-ci, qu'il interprète lui-même. Il a une bien belle voix. I Took to the Trees. I talk to the trees, but they don't listen to me. I talk to the stars, but they never hear me. The breeze hasn't time to stop and hear what I say. I talk to them all in vain. But suddenly my words reach someone else's ear, touch someone else's heartstrings too. I tell you my dreams, and while you're listening to me, I suddenly see them come true. I can see us on an April night at a table underneath the stars, having supper in the candlelight to the strumming of guitars. I will tell you all the books I read and the way I met the King of France. Then I'll send the servants off to bed and I'll ask you for a dance. Someone else's heartstrings too. I tell you my dreams, and while you're listening to me, I suddenly see them come true. Towns before, but this one is by far the most bewildered. I've never seen so many grown-up people acting like a bunch of children. What's going on? What's in the air? The way this town's behaving is enough to make a person tear her hair. Sit down to tie my shoe, and every single time I do, I'm circled by 100 men or more. What's going on here? What's going on? Ain't no one ever seen a shoe before. Lifting me across the mud, a miner dropped me with a thud and said he'd never pick me up again. What's going on here? What's going on? I only weigh 109 or 110. I never seen a calf so crazy. They must have all had too much sun. When the days are hot to steam and everyone goes in the stream, when I jump in, they all jump out and run. Oh, what's going on here? leaves me high and dry. No one will talk with me, tell me why. Well, Jennifer, you may have noticed that with the exception of yourself, practically everybody here is the same gender. And when little boys find out that little girls ain't little boys, they start looking for little girls. And, see, what we're trying to tell you is that you shouldn't be passing them in the woods. Do you understand? No! Oh, come on, man, let's get out of here. What's going on here? Once I asked a miner if he'd rub my neck, 'cause it was stiff and feeling like the handle of a mop. What's going on here? What's going on? I couldn't get the crazy fool to stop. Of all the cabs that I have been to, I never had such little fun. Yesterday I passed a man who asked me how to clean a pan. When I bent over, Lordy, did he run. Oh, what's going on here? What's going on here? What did I done? En 1951, c'est la tonitruante actrice américaine de parents portoricains Olga San Juan qui incarnait la fille dans Paint Your Wagon de ce maire chercheur d'or qui crée une ville à son nom, une ville qui disparaîtra à la fin de l'histoire et deviendra une de ces villes fantômes qu'on peut visiter lorsqu'on va faire du tourisme en Californie avec des baraques en bois désertées ou le saloon dont on imagine facilement l'emplacement. Laurent Vallière, 42e rue. France Musique. Pour écrire cette comédie musicale Paint Your Wagon, le dramaturge Alan J. Lerner se plonge très sérieusement dans les archives. Il veut documenter l'histoire. Par exemple, un homme a vraiment, durant la conquête de l'Ouest, acheté sa femme à un autre homme qui n'en voulait pas et un acte de vente a réellement été établi pour consommer l'achat. Il s'inspire aussi de moments de la conquête de l'Ouest lorsque une femme et un enfant arrive dans le village qui n'en a pas vu depuis un an et demi. Il s'inspire de procès réellement tenus dans un saloon et intègre dans ses dialogues les minutes de ce procès. Quant à la musique, pour une fois, l'Autrichien Frédéric Leu doit composer quelque chose de très western, de très américain. Ce n'est pas Brigadoon qui se déroule en Écosse, ce n'est pas My Fair Lady qui se déroule en Angleterre, ni Gigi qui se déroule à Paris. Non, ici, la musique doit refléter l'esprit américain qui souffle au 19e siècle. Alan J. Lerner explique dans son autobiographie: c'est difficile de définir le style musical western. James Berry a dit qu'on ne pouvait pas définir son charme, mais qu'on savait quand quelqu'un ne l'avait pas. Alors écoutez l'ouverture de Paint Your Wagon, fermez les yeux, on y est. Frédéric Lieux n'a pas son pareil, vous l'entendez là, pour écrire aussi de magnifiques ballades. On se rappelle par exemple de son Heather on the Hill dans Brigadoon, The Street Where You Live dans My Fair Lady. Eh bien, certaines ballades qu'il compose pour Paint Your Wagon vont devenir aussi des standards repris par des jazzmen ou des chanteurs. Par exemple, I Still See Eliza. Je vous propose deux versions. Clint Eastwood, et pour débuter, ah bah tiens, devinez qui. I still see Eliza, she keeps on returning, as breathless and young as ever. I still hear Eliza, and still feel a yearning to hold her against me again. Her heart was made of holidays, her smile was made of dawn, her laughter was an April song that echoes on and on. Since I saw Eliza, the shadows are falling, and winter is calling above. But I still see Eliza. Whenever I dream of love, made of holidays, her smile was made of dawn, her laughter was an April song that echoes on and on. Since I saw Eliza, the shadows are falling, and winter is calling above. But I still see Eliza. Whenever I dream of love. Still see Eliza, she keeps on returning, as breathless and young as ever. I still hear Eliza, and still feel a yearning to hold her against me again. Heart was made of holidays, her smile was made of dawn, her laughter was an April song that echoes on and on. Since I saw Eliza, the shadows are falling, and winter is calling above. But I still see Eliza. Mm-hmm. Whenever I dream of love. Pas mal la voix de Clint Eastwood en 1969 dans l'adaptation au cinéma de cette comédie musicale Paint Your Wagon. Et juste auparavant, vous avez reconnu la voix de Maurice Chevalier. Paint Your Wagon, adapté donc au cinéma en 69, un flop monumental, faut bien le dire. Une intrigue complètement modifiée, même si le début et la fin sont la même. C'est une ville qui naît et qui meurt. Pour l'occasion, André Prévin crée de nouvelles chansons. Voici l'une des plus belles, A Million Miles Away. Elle est interprétée à l'image par Gene Seberg, mais Gene Seberg est doublé à l'enregistrement par une voix fantôme, Anita Gordon. Much too high to shelter me when darkness falls. For cabin walls would be just right for me. I need a threshold I can cross where I can sit and gather moss forevermore. A million miles away behind roll up the planes. There's too much view for me. There's so much space between the waiting heart and whispered word. It's never heard. One room will do for me, where every evening I can stare at someone smiling from his chair across the floor. A million miles away behind the door. Smiling from his chair across the floor. Just doing with my life what life is for. A million miles away behind the Way out here they got a name for rain and wind and fire. The rain is Tess, the fire's Joe, and they call the wind Mariah. Mariah blows the stars around and sends the clouds a-flying. Mariah makes the mountains sound like folks were up there dying. They call before I knew Mariah's name and heard her wail and whining. I had a girl and she had me and the sun was always shining. But then one day I left my girl, I left her far behind me. And now I'm lost, so golden lost, not even God can find me. Here they got a name for rain, for wind and fire only. But when you're lost and all alone, there ain't no word but lonely. And I'm a lost and lonely man, without a star to guide me. Mariah, blow my love to me. I need my girl beside me. On l'a vu dans Fargo des frères Cohen, dans Il faut sauver le soldat Ryan. Mais le baryton Harvey Presnell a d'abord foulé les planches de Broadway et c'était l'une des plus belles voix de l'adaptation au cinéma de Paint Your Wagon, la comédie musicale d'Alan J. Lerner et Frédéric Leu qui est ce matin sur la grande affiche de la 42e rue à France Musique. La chanson qu'il interprétait s'intitule The Call, The Wind, Mariah. Une des raisons, à vrai dire, pour laquelle le film, l'adaptation au cinéma de cette comédie musicale fut un fiasco, c'est qu'à part lui, on avait pris surtout des comédiens qui ne savaient pas chanter. Par exemple, Lee Marvin. Ça n'empêche que pour le plaisir de l'orchestration, pour le plaisir d'entendre les chœurs, je vous propose de l'entendre, sa version à Lee Marvin, dans cette balade solitaire située à la toute fin du film, lorsque la ville que le chercheur d'or a fondée est finalement détruite. Ça s'intitule « Wandering Star ». I was born star. Wheels are made for rolling, mules are made to pack. I've never seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. Goodbye forever, it's time for me to go. I was born under a wandering star. A wandering, wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can make you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. To heaven, tie me to a tree, or I'll begin to roam, and soon you know where I will be. I was born under a wandering star. La chanson que pourrait chanter Lucky Luke à son cheval Dirty Jumper, forcément, et une voix qui nous donne aucun complexe, hein, vous l'avez compris, de chanter chaque matin sous sa douche. Alors pour changer, voici une autre voix, cette fois-ci magnifique. C'est dans une chanson de la comédie musicale qui a été supprimée de l'adaptation au cinéma, un moment où un autre chercheur d'or, rempli d'espoir, arrive et espère à son tour gagner le gros lot. Un air intitulé Another Autumn. They all begin to fade and die. has shone. If you're alone when autumn comes, you'll be alone all winter long. Justin Guarini, Another Autumn, dans le tout nouvel enregistrement de Paint Your Wagon, qui vient de sortir chez Sony Masterworks, et qui permet aussi de découvrir l'une des 15 chansons composées par Frédéric Leux, mais supprimées, bon, ça arrive toujours, hein, lors des rodages hors de New York. La voici cette chanson, c'est un duo interprété à la fin du spectacle entre la fille du maire déprimée et son père. Voilà, ils voient tous les deux que la ville construite a été détruite, et elle demande à son père qu'est-ce que font les gens dans pareil cas. La chanson n'est pas restée dans le spectacle, elle s'intitule « What do other folks do ?», mais Frédéric Leux l'a réutilisée un peu plus tard dans une comédie musicale autour de la légende du roi Arthur, Camelot. La chanson était devenue « What do the simple folks do ?». Voici donc la version originale, interprétée ici par Keith Carradine et Alexandra Socha. I don't know where to turn. I don't know how to live. You've seen an awful lot, Pa. Don't you have some advice to give? How do you mean? What do other folks do when the world turns sour? What do other folks do? Oh, Lord, I wish I knew. Sometimes when things is wrong, folks start to sing a song. Some say it kind of pulls them through. Singing? Yep. What does that do? Well, it must do something, 'cause that's what other folks do. What do you know? The hills of California. All right, let's try it. The hills of California are the fairest hills on earth below. Earth below. Once you see the hills of California, they will haunt you everywhere you go. What else do other folks do when they feel like dying? What do other folks do to help them see it through? Some who ain't doing well whistle to beat all hell. Whistling has bucked up quite a few. Whistling? Yep. Sounds crazy. You ask me, I'm telling you. That's what other folks do. Do when they're up against it? What do other folks do when they're washed up and through? Some sit around all day dreaming they're far away, dreaming of things they wished was true. Daydreaming? Yep. No bull? Could be. I never done it, but that's what other folks do. Do must be something somewhere, something other folks do when they're the sad and blue. Some find the nearest hall, dance till they nearly fall. Dancing is kinda helpful too. Did you ever try it? I never got past the bar. I should have guessed. But that's what other folks do. Le tout nouvel enregistrement de Paint Your Wagon est sorti chez Sony Masterworks. Vous retrouverez toutes les références du disque sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. 42e rue sur France Musique, Laurent Vallière. Dans l'actualité foisonnante en cette rentrée de comédie musicale, Naturellement Belle de Raphaël Calandreau et Rachel Pignot s'installe à Paris depuis hier au studio Héberto chaque week-end. Cette comédie musicale de poche à deux personnages plonge dans une agence de photographie en des temps pas si futurs que cela et nous fait découvrir avec humour et malice le quotidien de deux retoucheurs en chef. Un spectacle drôle sur la chirurgie esthétique et la tyrannie de l'apparence rythmée bien sûr, par de nombreuses chansons. Alors si vous êtes du côté de Paris, j'ai des places à vous offrir pour assister au spectacle, pas plus tard que samedi prochain à 17h. Pour les gagner, il vous suffit de nous écrire maintenant en allant sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. Vous cliquez sur l'onglet « Contactons-nous ». Voici un extrait de ce spectacle, Rachel Pignot en mode mineur. J'étais une enfant peu désirée. On a hésité à me garder. On avait tendance à me négliger, peu écouter, peu regarder. J'étais détestée de mes camarades, pas une journée sans une brimade. J'étais solitaire, toujours en déprime, sans compter que j'étais devenue orpheline. Tu as perdu tes parents ? Mes parents naturels de maladie. Oh. Puis mes parents adoptifs dans un accident de voiture. Eh ben. Et seule, j'ai appris, malgré tout, à aimer la vie. Lorsqu'elle bascule en mode mineur, prendre du recul en mon fort intérieur, décider de mon bonheur, simplement décidé de mon bonheur. Je connus l'amour, mais pas de veine. L'homme que j'aimais était en prison. Notre mariage fit réduire sa peine. Il me quitta dès sa libération. La justice alors considéra le mariage blanc et illégal. On enleva donc plusieurs points sur ma carte de légitimité salariale. Mais j'avais acquis cette belle philosophie. Quand la vie bascule en mode mineur, prendre du recul en mon fort intérieur, décider de mon bonheur, simplement décider du bonheur. Pour gagner ces deux places pour aller voir Naturellement Belle, vous nous écrivez direction francemusique.fr sur la page de 42e rue. Une autre nouveauté, l'enregistrement de la dernière comédie musicale d'un grand de Broadway, John Kander. Ça s'intitule The Landing. C'est une création d'il y a 3 ans dans un tout petit théâtre off-Broadway avec très peu d'acteurs et une formation de musique de chambre qui vient de sortir chez Jerry Records. Écoutez notamment cette chanson d'amour intitulée Thanks for That. Danny, do you remember the first time we saw each other? Of course. I told you. You were the most fun thing about that concert, and all you had to do was sit there. Why? I don't know. When I saw you, you were sitting on the aisle. You gave me a nod, and God, it made me smile. Thanks for that. Okay. All the popcorn, all the napping, all the tea. All the times your face resuscitated me. Thanks for that. Thanks for that. And all your morning mumblings, and our train trip to Quebec, and the way you rub my neck when we chat. Once in law school you were highlighting away, and you sang me, you're the highlight of my day. Thanks for that. Thanks for that. We should get going, it's a pretty long ride. Bravo à Monique Douzier, Jean-Pierre Bonny, Paul Zerdoun. Vous pourrez aller voir samedi Naturellement Belle grâce à 42e rue. 42e rue réalisée ce matin avec Adeline Omello, Paul Simonacci, Benoît Latil. Je vous souhaite un très bon dimanche sur France Musique. Je vous retrouverai dimanche prochain pour un concert en live avec les troupes de 31 et d'Oliver Twist.